Et c'est parti pour la première émission de Balade Continentale. Francesca, Joan Berin, not by usura, nor was like a lunatic. Deep down from their throne, the fire of the beams declare the loss of the beams defeated. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la première émission de Balade Continentale, émission consacrée à la musique populaire européenne et de ses reprises contemporaines. Pour la prochaine heure, vous serez en compagnie de Ian McDowell à la régie et de moi-même, Milan Milanov, et ensemble nous allons parcourir le folklore musical de l'ancien continent. Les frontières de l'Europe sont difficiles à définir, et on peut dire la même chose pour celles de la musique européenne. D'un pays à l'autre, on peut entendre des similitudes comme des différences, vu que l'Europe a brassé, a superposé tant de civilisations au cours des siècles. Mais restons curieux, et restons naïfs. Concentrons-nous sur la découverte, rendons hommage à chaque particularité, explicitons les singularités. Ainsi, nous pensons que les frontières s'effaceront et deviendront floues. Par là, nous espérons dévoiler les pluralités musicales malléables et les influences éclectiques d'un continent qui cherche continuellement à se définir. Dès lors, nous partirons en balade, la tête légère. Nous marcherons le long des diverses routes et nous ouvrirons nos oreilles aux mélodies contemporaines et aux échos ancestraux. Prêtons une importance égale à chaque voix, à chaque rythme, à chaque mélodie qui émane des profondeurs passées ou présentes de l'Europe. C'est dans cette abondance que des cartes englobantes de sentiments et de volonté pourront se dessiner. Mais puisqu'il faut partir et prendre une direction de départ, chaque émission de Balade Continentale débutera par une thématique. Celle-ci nous servira dans un premier temps comme une lueur lointaine, guidant nos traversées. Aujourd'hui, cette lueur sera la flamme estivale, celle du solstice d'été. À l'époque des canicules, pendant les fêtes religieuses, les hommes dansent, chantent et jouent pour ce soleil. Et donc en Europe, la chanson du soleil traverse tous les pays. Que ce soit en Lettonie, en Espagne ou même dans la Grèce antique, le solstice est célébré. Vu que le soleil se lève à l'est, notre balade débutera dans la Russie lointaine. Commençons par deux chants à Kupala, la déesse de la fertilité dans la mythologie slave. Durant le solstice d'été, période de la moisson, les paysans russes rendent hommage à cette déesse. Yeah. Nous quittons la Russie pour les rives de la mer Baltique, en Lituanie précisément. Là-bas, les dieux et les fêtes ont un nom différent, mais l'allégresse reste la même et les codes ont une similarité frappante. Le solstice d'été en Lettonie a un nom précis. Il s'appelle Yanni et il s'agit également d'une fête populaire. Vienu dienu līgos. Vous venez d'écouter le groupe Aoi et leur chanson Yanou Diana. Bien sûr, si vous voulez trouver la playlist avec toutes nos sélections, elle sera publiée par nos soins sur notre page Facebook Balade Continentale-Radio Campus ULB. Un petit son en Roumanie maintenant avec le groupe de black metal Negru Bonghet et la chanson Hora Soare Lui qui signifie la danse circulaire du soleil.

c'était le groupe polonais Jar et leur chanson Kupalnocka, précédée du groupe de black metal romain Neguro Bunget. On fait maintenant un petit saut dans l'espace, mais un grand dans le temps, vers la Grèce antique. On connaît bien le culte voué au dieu Apollon et qui est à la fois divinité du soleil et de la musique. Au cours du 19e siècle, des archéologues ont pu mettre la main sur des inscriptions murales dans la ville de Delphes et ainsi reconstituer les fameuses hymnes delphiques. Σε παίγνω φρενάνθον εκεί. Tirso plixes los hieros techniton ενικος πολύ και κροπία. Cada castro é um reduto formidável da liberdade pátria. O heroísmo das mulheres brácaras fica nas costas. Não soltavam o queixume do mais vivo da carnagem. Estava isso na tradição das mulheres calanques, que incitavam os homens ao combate e os homens à morte. D'écouter le groupe Sangre Cavalum avec le titre Noite de Solsticio. Après ce morceau folklorique venu tout droit de la péninsule ibérique, marchons vers la France où la fête de la Saint-Jean est l'équivalent chrétien du solstice d'été. Voici la...

C'était le Cuckoo Song, un canon médiéval venu tout droit d'Angleterre, chanté par l'ensemble Hilliard. La chanson précédente était la ballade suédoise Vis-à-vis Midsommartide. Et nous terminons à l'ouest, aux États-Unis, avec une chanson restée inaperçue peu après le Summer of Love de 1967, mais heureusement redécouverte dans les années 90. Je parle de la chanson Fire of Life du groupe Changes. Merci de nous avoir suivis dans ce premier voyage, dans cette première balade continentale à la découverte des chansons du solstice d'été. Retrouvons-nous le mois prochain pour une nouvelle émission de balade continentale. Jusque-là, nous vous souhaitons une bonne route et un été mémorable.